Le jardinage est promu dynamiquement au chantier de construction de l'avenue Lyumyon en Corée. Des immeubles d'habitation et de services publics sont en train de se décorer comme édifices verts de nouveau type. La culture de pelouses et d'arbres déjà plantés dans divers espaces comme sur les toits, conformément aux conditions d'hiver, et la plantation des plants d'une vingtaine d'espèces battent leur plein. La plantation de pelouses et d'arbres sur des dizaines de milliers de mètres carrés de terrain aux alentours des immeubles d'habitation et de services publics est terminée avec le jardinage de plusieurs parties. La construction de serres hydroponiques est accélérée aussi sur les toits des crèches, jardins d'enfants, etc. Aux environs des édifices sont plantées des dizaines d'espèces d'arbres comme ginkgo, cryptomeria, giroflier et abricotier.